Bienvenue à toutes et tous, chers tipeurs. Nous sommes le samedi 13 janvier. Cette émission est la vôtre. Elle existe grâce à vous. Merci pour votre soutien et donc bienvenue dans votre édition du samedi. Aujourd'hui, une nouvelle rubrique Revue de presse rétro, comme vous le savez, où je me suis intéressé au lancement des consoles, vu que nous sommes toujours un petit peu dans le lancement de la Switch quelque part, puisque ça ne fait pas encore un an qu'elle est sortie. En tout cas, je vous dis tout ça tout à l'heure dans l'émission, après quelques news. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes en train de bosser, si vous êtes dans votre salon, dans votre chambre, sous votre douche, en train de promener les chiens. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette édition vous plaira. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence le plus simplement du monde, tout de suite. Allez, c'est parti. Non, la Game Boy n'est pas de retour. C'est ce que nous dit William Oduro sur Le Monde, via la rubrique pixel.fr. Et ce cher William nous dit, pour un coup de com', c'est un coup de com' réussi. Hyperkin, constructeur californien spécialisé dans les consoles rétro bas de gamme, a profité du CES de Las Vegas, grand salon des innovations technologiques, pour présenter une machine mise dans les cartouches de la Game Boy de Nintendo, la console portable monochrome culte des années 90. Suffisant pour que de nombreux sites spécialisés s'emballent, la nouvelle Game Boy renaît de ses cendres grâce à Hyperkin, s'enflamme l'ère numérique. La nouvelle Game Boy est fabriquée par Hyperkin, en conclut les numériques. Game Boy, la console de jeux portables légendaires, va faire son retour en 2018. Résumé en plus affirmatif encore, Phone Android. Le tout souvent assorti d'une photo issue du site américain Gizmondo montrant l'objet en question, affichant à l'écran le logo Nintendo. Je fais une petite parenthèse, je sais pas si vous avez vu ça, mais moi aussi ça m'a quand même un petit peu choqué. Mais Le Monde nous précise que Hyperkin ne détient en aucun cas les droits sur la marque Game Boy. On nous dit qu'au contraire, d'autres constructeurs historiques comme Sega et Atari, Nintendo ne sous-traite pas la fabrication de ces machines rétro. La NES Mini et la Super NES Mini ont été conçues en interne, en grande partie par la cellule parisienne du consolier japonais, et ce devrait être le cas pour les prochaines consoles du même genre. D'autre part, nous dit William, Hyperkin est un partenaire autorisé de Microsoft, Samsung ou encore Oculus, mais pas de Nintendo, comme l'indique l'entreprise sur son site officiel. Tous les produits proposés à la vente sous l'onglet Nintendo sont des machines sans licence, avec des noms librement inspirés des consoles d'origine et sans garantie de compatibilité. En droit français, rappelait dans une tribune de 2016 Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle, l'émulateur de logiciels n'est pas en harmonie avec le droit d'auteur, sauf lorsque les auteurs, éditeurs ou les ayants droit de ces derniers ont manifesté leur volonté de ne plus exploiter leurs droits, et hormis ce cas, on est en présence d'actes de contrefaçon en cas de reproduction du logiciel ou de décompilation à d'autres fins que celles d'interopérabilité. Le papier un peu plus loin conclut en nous disant que Nintendo réédite déjà ses jeux Game Boy sur la boutique virtuelle de la 3DS et rien n'exclut la possibilité que l'éditeur japonais annonce lui-même un jour une Game Boy Mini. Donc oui, je sais pas donc si vous aviez vu cette histoire, mais j'ai trouvé ça hallucinant qu'on sorte comme ça une simili Game Boy clonée et que toute la presse, une bonne partie en tout cas, s'en empare comme si, bah voilà, c'était normal, il n'y a pas de souci. Eh ben non, mes petits cocos, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc merci au monde.fr, la rubrique Pixel, et donc à ce cher William Oduro de nous rappeler certaines vérités. Space Invaders, des parties géantes à Tokyo. Pour fêter les 40 ans du jeu, c'est ce que titre jeuxvideo.com en nous disant qu'avec ses petits envahisseurs composés de quelques pixels, Space Invaders a infiltré la culture populaire de façon spectaculaire au fil des années. Il faut dire que lors de sa sortie en 1978, j'avais 2 ans, le titre conçu par Tomohiro Nishikado devient l'un des plus importants phénomènes vidéoludiques de tous les temps, au même titre que Pac-Man par exemple. Vous avez bien fait votre calcul, donc nous dit jeuxvideo.com, cela fait bien 40 ans que Space Invaders a vu le jour. Et afin de fêter l'un de ses plus grands succès comme il se doit, l'entreprise Taito s'est fait un petit plaisir. Donc Taito, je rappelle que ça appartient à Square Enix maintenant. Voilà, je sais pas s'il le précise à surjv.com, mais bon. Donc Taito s'est fait un petit plaisir. Pour 1800 yens, soit un peu plus de 13 euros, il vous est possible de prendre part avec 9 autres personnes à une partie géante du titre. Celle-ci est en effet projetée sur les vitres de l'observatoire Roppongi Hills à Tokyo, ce qui représente tout de même un écran de 7 mètres de haut pour 15 mètres de large. C'est hallucinant. Il y a une petite vidéo dans la news, là, c'est... C'est bluffant, c'est magnifique. La news se termine en nous expliquant que le papa du jeu est aujourd'hui âgé de 73 ans et il en a profité pour rappeler tout l'amour qu'il avait mis dans le développement de ce jeu et combien il est heureux de voir que 40 ans après, il est toujours aussi populaire, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un super bouquin qui a été écrit par Florent Gorge sur ce créateur de génie. Vous me direz dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux si vous avez lu ce bouquin. Et toujours Florent Gorge avait réalisé une superbe interview lors d'une soirée spéciale sur No Life. Est-ce que c'était il y a 2 ans de cela? En tout cas, ça fait pas super longtemps. Et c'est un monsieur Nishikado, vraiment plein de sagesse et éminemment passionnant à écouter. Sega tease une annonce pour le 16 janvier avec une mystérieuse image. C'est Romain Mahut qui nous rapporte ça sur gameblog.fr. Il nous dit que les comptes Twitter américains et européens officiels de Sega viennent tout juste de poster une mystérieuse image d'une ampoule accompagnée d'une date du 16 janvier. Alors quand il dit « viennent tout juste de poster », nous sommes en fin de journée hier, c'est-à-dire vendredi, hein, ça vous l'avez compris. Mis à part cette photo de l'ampoule, nous dit Romain, qu'il est difficile de déchiffrer, ce visuel ne contient pas la moindre information sur ce que cache ce teasing. À moins que Sega ne décide de publier d'autres images au cours du week-end, il faudra attendre mardi prochain, alors certainement en fin d'après-midi pour que l'info tombe en même temps en Amérique du Nord et en Europe, nous dit Romain Mahut, pour découvrir le fin mot de cette histoire. Sega qui nous tease quelque chose, alors là, qu'est-ce que cela peut bien être? D'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous avez une idée de ce que peut être ce teasing? Qu'est-ce qui se cache plus précisément derrière ce teasing? Dites-moi ce que vous en pensez sur Twitter, Facebook et ailleurs, où vous voulez. Bon, hein, on ne va pas se mettre à rêver d'un portage HD de Skies of Arcadia. Ça fait trop longtemps que je l'attends, je ne sais pas s'il arrivera un jour. Ou alors, est-ce que ça concerne une licence récente de chez Sega, un revival ou un projet inédit? On ne peut pas le savoir. En tout cas, comptez sur moi pour surveiller ça d'un œil aiguisé. Et je vous propose maintenant de passer à la rubrique Revue de presse rétro. Pour cette nouvelle revue de presse rétro, je me suis intéressé au lancement des consoles, puisque vous savez, on a vécu en 2017, il n'y a pas si longtemps que ça, donc le lancement de la Switch qui est en observation au niveau de ses chiffres, au niveau de son succès insolent, et encore aujourd'hui, on est encore dans cette phase quand même d'observation de cette nouvelle console en commentant tous les chiffres, le comportement des joueurs, des consommateurs, du marché à son égard. Bref, elle est scrutée dans ses moindres faits et gestes. Et en retombant sur un de mes vieux Edge magazine, sur un dossier plus exactement qui revenait justement sur le lancement des consoles et de la potentielle influence que ce lancement pouvait avoir sur la vie de la machine, je me suis dit que le rapport était tout trouvé avec cette Switch qui n'arrête pas de passionner les commentateurs en tout genre. Voilà pourquoi, pour cette revue de presse rétro, nous allons revenir sur le lancement d'illustres machines et voir un petit peu si ces lancements ont façonné leur parcours. Je précise que ce numéro de Edge date de novembre 2006. Et donc là, plus précisément, c'était le supplément traduit en français que fournissait Joypad. Donc là, ce n'est pas, contrairement à certaines fois, un Edge que je possédais en version originale, si je puis dire. Là, il s'agit d'une traduction qu'avait fait Joypad à l'époque. Joypad, durant X mois, je ne sais plus combien de temps, 1 an ou 2, peut-être pas 2 ans même, traduisait les meilleurs papiers de Edge du mois en cours pour fournir un petit supplément à nous autres français. Et donc c'est cette version française qui me sert de base aujourd'hui. Et donc commençons avec la Nintendo 64. Edge nous dit « Le lancement de la Nintendo 64 fut un tel événement médiatique que les équipes journalistiques sur place sont allées jusqu'à se relayer pour filmer des cartons s'empilant dans un avion. Celui de la PlayStation 2 au Japon restera comme le plus instable de toute l'histoire du jeu vidéo. Le 4 mars 2000, les foules envahissent le quartier d'Akihabara, les hélicoptères de journalistes prirent le ciel d'assaut, la police fit état de plusieurs vols et agressions en tout genre. Enfin, un homme tenta de se suicider en se jetant d'un immeuble. La cause ? Il apprit tout simplement que sa précommande ne pouvait être honorée. On se serait cru en plein Resident Evil, nous dit Edge. Et 980 000 consoles furent écoulé en 48 heures, de la folie. Edge nous parle également des débuts de la Xbox 360, une sortie, hein, nous disent-ils, quasi mondiale, quasi simultanée. Aux yeux de beaucoup, c'est une franche réussite. Demandez maintenant l'avis de ceux n'ayant pu mettre la main dessus pendant la période de Noël. En gros, un lancement, c'est quand l'inaltérée planification de plusieurs mois rencontre la dure réalité des premières pénuries et autres insuffisances. Le croisement brutal entre le rêve et le monde réel. Mais il donne aussi l'occasion de voir l'euphorie furieuse que provoquent ces boîtes en plastique gavées de câbles et d'électronique. Sans compter tout l'argent qu'elles génèrent durant ces périodes. Et cela va monter en puissance, la Xbox 360 ayant fait très fort, ses rivaux vont devoir surenchérir ou du moins garder un standing minimum pour espérer rester dans la course. Alors quant au lancement, Edge nous précise que Nintendo fut le premier innovateur en la matière. On nous dit que lors de l'été 1985, la Famicom, hein, donc le nom de la NES au Japon, hein, je le précise à nouveau, donc se prépare, donc sous le nom NES bien sûr, à envahir les États-Unis. Un territoire marqué par le fiasco récent des consoles en 1983. Une nouvelle approche s'imposait. Lancement exclusif à New York, élaboration d'un entrepôt spécial, personnel de Nintendo infiltrant les magasins, d'un commun accord, hein, avec les boutiques, le staff de la firme livrait lui-même, s'occupait des affichages et promit de racheter les stocks d'invendus. Nintendo, disposant d'un budget marketing de 5 millions de dollars, paya des joueurs de baseball reconnus pour signer des autographes à côté de sa machine, la NES, renommée et redessinée pour l'occasion. Le processus fonctionna à New York, puis à Los Angeles, Chicago et enfin partout dans le monde. Et même si on est à des années-lumière des queues sans fin pour la PlayStation 2 ou du hangar d'avion loué par Microsoft pour sa 360, le lancement de la NES a mis le doigt sur un point crucial. Une sortie doit prendre en compte les mentalités et les coutumes de chaque contrée. La présence de célébrités constitue également un incontestable atout, mais arriver trop tôt peut être aussi délétère. L'ironie du sort décida que Sega soit pris à son propre jeu, bien avant le cas de la Dreamcast, qui fut disponible entre deux générations de machines, alors que son service online n'était pas encore opérationnel. La Saturn, nous rappelle Edge, souffrit d'une sortie bien trop prématurée. Alors que tout le monde s'attendait à voir la console débarquer le samedi 2 septembre 1995, Sega jugea bon de lancer sa nouvelle plateforme durant le 3, le 11 mai. Si c'était un coup de maître en matière de secret bien gardé, ce fut surtout une victoire à la Pyrrhus. Résultat, la Saturn faillit sur les deux objectifs primaires, ériger une solide base installée et se rendre attractive aux yeux du public. À peine 60 000 consoles brusquement apparues dans les échoppes et sans aucune propagande, le public n'était pas du tout prêt. On nous dit un peu plus loin que le problème des précommandes ont déjà conduit au moins une personne à la tentative de suicide et ce pendant vraisemblablement l'un des lancements les plus calmes de ces dernières années, la sortie japonaise de la N64. En élargissant les machines disponibles sur un nombre conséquent du boutique, au lieu de concentrer les stocks en quelques points stratégiques et en occultant la gestion des précommandes, Nintendo est parvenu à vendre 250 000 consoles et autant de Super Mario 64 sans faire un bruit. Autre exemple, un bien lointain, nous dit Edge, ont eu l'occasion de voir Andy Warhol, un poil perplexe, tenter de vanter les mérites de l'Amiga le temps d'une démonstration où Frank Sinatra, employé par Magnavox, présentant l'Odyssée lors d'un de ses shows télévisés. Que ce soit le suicide à Akihabara ou la rumeur comme quoi Saddam Hussein avait essayé de mettre la main sur le supercomputer PlayStation 2, oh oui, souvenez-vous de cette histoire, c'était complètement dingue, à des fins militaires, ce sont des histoires qui font office de meilleure publicité. Le dossier se termine par ces mots-là. Les gens oublient vite. Avec les jours qui passent, plus personne ne se souvient de l'auteur d'un Times Square entièrement vert, ou, alors ça c'était pour la Xbox 360, ou quand exactement Nintendo a projeté un Mario en 3D sur un gratte-ciel, ou même que Luigi's Mansion a vendu plus que Halo durant les premières semaines. Ah, bah vous voyez, ça moi je l'avais oublié. Ce que l'on retient surtout, après que les célébrités se soient dispersées et que les barrières se sont levées, ce sont les aventures dans les horizons virtuels après avoir branché sa console tranquillement chez soi. Et alors, juste avant de terminer, je vais revenir un petit peu sur... lorsque ce dossier a été écrit, on est en pleine période de lancement, hein, de la PlayStation 3. Un lancement qui n'a pas été une réussite, hein, si vous vous souvenez de ça. Même si la PlayStation 3 a fini sa carrière de fort belle manière en étant grosso modo au coude à coude avec la Xbox 360. Ce petit encart de ce dossier est très intéressant puisqu'il nous dit que selon les experts, l'annonce qu'en août, donc 2006, Sony n'avait pas encore commencé à assembler les PS3 est perçue comme un mauvais signe. Microsoft, qui avait débuté la production des 360 en septembre 2005, c'est-à-dire bien avant sa sortie, s'est tout de même heurté au final à une carence d'approvisionnement, ne pouvant combler toutes les demandes. Les pièces doivent arriver au bon moment, ni trop tôt, pour éviter le surcoût de stockage, ni trop tard pour éviter d'interrompre la production. Et les machines doivent encore être acheminées vers les magasins. C'est en ces périodes où la moindre minute est particulièrement précieuse que le destin peut s'avérer cruel, où les entrepôts sont remplis de stocks et où les vols se multiplient. Et ce qui est marrant, c'est que ce dossier qui a très certainement été inspiré par le lancement de la PlayStation 3, donc qui était un petit peu mis à mal, comme je vous le disais, c'est assez rigolo de dire ça, puisque là, on est vraiment en pleine période où la 360 est toute puissante, et quand on voit aujourd'hui la situation entre la PlayStation 4 et la Xbox One, et y compris même de la Switch, et ça, un peu plus de 10 ans après, bah c'est toujours rigolo de voir ce petit décalage. En tout cas, j'espère que cette rubrique Revue de Presse Rétro vous a plu. Et donc, bah là, l'émission se termine. Merci encore pour votre soutien. Merci à vous, chers tipeurs. Heureusement que vous êtes là. N'hésitez pas à propager la bonne parole, à parler de l'émission un petit peu partout. En ce moment, je vous le cache pas, c'est à nouveau un petit peu compliqué. Il faudrait effectivement que le nombre de tipeurs continue de grandir pour que je puisse un petit peu être apaisé, si je puis dire, entre guillemets. Bref, en tout cas, vous êtes là, toujours au rendez-vous, et croyez-moi, ça me fait vraiment chaud au cœur, mais d'une force, vous pouvez pas imaginer à quel point. Merci à vous, merci grandement, et donc je vous dis à lundi pour repartir sur une belle semaine de Revue de Presse JV. Là, normalement, ce soir, donc, on enregistre avec les tipeurs concernés la grande revue de presse JV, la grande émission mensuelle, et puis plein de choses qui arrivent, plein de petites choses. Bref, gros bisous, passez un excellent week-end, et puis donc, bah, on se retrouve très très vite. Allez, bye bye.